espérance, inspiration. On souffle l'expiration, mon texte sur ta nation. Les tests veulent les rations, ne teste pas ma génération. Dans ce qu'on réalise, y'a trop de passion. Je peux pas vivre si j'ai pas le son. Je mets la forme dans le fond, car ce système a formé le fou. Plus rien à perdre, je n'ai plus rien à foutre. Je peux pas me taire, je suis dans le rap comme trop bas dans le foot. Première division, je fais mon hip-hop sans trahison. Certains le font, mais qu'est-ce qu'ils ont? Comment est-ce qu'ils osent? Moi mes voeux, aucun génie ne les exauce. Moi je prends le bus, toi tu te ruines avec ta Lexus. Tu ne vois pas que l'état comme l'état suce. En extase, tu t'excuses de cette astuce. Au paradis, on n'ira pas tous. Est-ce permis de faire des partout? Car à ce qui paraît, il faut qu'on partage. Parce que la vie est dure, pour toi comme pour moi. Obligé de se battre man, on n'a pas le choix. Je laisse ma signature, je veux que ma fille croit en moi. Je veux pas me prendre des murs, regarde je resterai droit. Parce que la vie est dure, pour toi comme pour moi. Obligé de se battre man, on n'a pas le choix. Je laisse ma signature, je veux que ma fille croit en moi. Je veux pas me prendre des murs, regarde je garde la foi. Système D, depuis le CM2, je me suis démerdé, j'ai fait comme j'ai pu. Dans ces coins où ça pue, où les ministres ne vont pas, là où vivent. Ouais, ceux que du pot en ont pas. Du pain sur la plancherie, au quotidien, là où le 15 du mois, t'as vu, y'a plus rien. On prie, on joint les deux mains, joie du mieux pour demain. Pour l'instant, tout est flou, car l'État en veut à tes biens, la TVA, les impôts, les taxes, les sans chien. Vas-y, taf, et tais-toi, et les tafs de pétard endorment les combats. 40 ans depuis la dernière révolution, depuis aucune évolution. La technologie dépasse ton mode de vie. Je demande jamais un devis, de façon j'ai pas la monie. Malgré ça, je mets de l'harmonie dans mon nid. Ton euphorie face à mon agonie. Parce que la vie est dure, pour toi comme pour moi. Obligé de se battre man, on n'a pas le choix. Je laisse ma signature, je veux que ma fille croit en moi. Je veux pas me prendre des murs, regarde je resterai droit. Parce que la vie est dure, pour toi comme pour moi. Obligé de se battre man, on n'a pas le choix. Je laisse ma signature, je veux que ma fille croit en moi. Je veux pas me prendre des murs, regarde je garde la foi.